Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Vingt-deuxième épisode, Cœur de Gitane. La main rouge a peut-être subi des revers au cours de ces derniers mois, mais elle reste toujours aussi redoutable et efficace. L'expédition de nos amis contre l'île des Pendus est bien compromise. En effet, malgré toutes les précautions prises par Lord Buridan, la main rouge sait déjà que l'Ariel a pris la mer. Mieux encore, Cornelius sait que Lord Buridan connaît l'emplacement exact de l'île des Pendus. Et il en a fait mettre la garnison en état d'alerte. Mais pire que tout, la main rouge est à bord de la Revanche. Et c'est Slug lui-même, le bras droit des Lords, qui en est le capitaine. Cela, Dorifa vient de le révéler à André de Maubreuil. Comment nos amis pourraient-ils échapper aux dangers qui les menacent? Ils ne peuvent même pas prévenir Lord Buridan. La radio de bord, en effet, a été mise hors de service par la main rouge dès le premier jour de la croisière. Mais enfin, Ravenel, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Mais tout à fait sûr, Pagano. Je viens de faire encore une fois tous mes calculs. La Revanche se trouve exactement par 40 degrés de latitude nord et 170 de longitude est. C'est-à-dire que nous n'avons pas cessé de dériver vers l'ouest, alors qu'en fait, nous aurions dû remonter vers le nord. Je me disais bien aussi qu'il faisait de plus en plus chaud. Ah bonjour, André! Mais qu'avez-vous? Vous semblez bouleversé. Mais oui, il y a de quoi. Mercedes. Oui. Ma femme de chambre. Elle ne s'appelle pas Mercedes. Mais Dorifa, c'est la maîtresse d'Edouard Edmond. Par exemple. Et elle m'a dit qu'Edouard Edmond et d'autres à bord appartenaient à la main rouge. C'est pas possible. Oui. Qu'est-ce que nous allons devenir? Je commence à comprendre. En effet. Cela confirme nos soupçons. Bon, eh bien, il s'agit maintenant de nous organiser. C'est la seule chose raisonnable que nous avons à faire. Oui. Avec la main rouge, tout est possible et il n'est pas question de nous laisser assassiner sans nous défendre. Bon, alors, pour commencer, nous allons isoler ce salon où nous nous trouvons du reste du bateau. Les portes sont blindées et il est impossible de les ouvrir de l'extérieur. Alors, monsieur Agénor, oui. Pouvez-vous vous en charger, s'il vous plaît? Oui, oui, tout de suite. Alors, je vous en prie. André, pouvez-vous aller chercher Frédéric et la ramener ici? Pendant ce temps, Pagano et moi, nous allons trouver le capitaine Slug et lui demander des explications. Allez. Hein, nous verrons bien ce qu'il a à nous dire. Ce groupe de matelots. La ferme, les gars, la ferme, les voilà. Chut. Qu'y a-t-il pour votre service, messieurs? Quel temps magnifique, n'est-ce pas? Oui, eh bien, il ne s'agit pas du temps, capitaine. Ah. Nous avons à vous parler, et sérieusement. Il se passe sur ce bateau des choses intolérables. Hein? Pardon? Oui, et d'abord, comment se fait-il que nous naviguions vers l'ouest alors que nous vous avions donné l'ordre de remonter vers le nord? Eh ben, c'est que on a dû suivre un vent favorable, vous comprenez? Et puis, on a dû faire ça pour éviter les icebergs. Et en fait... Allez, ne te fatigue pas, Slug. Pas la peine de leur donner ton explication. T'as qu'à leur dire qu'ils sont prisonniers de la main rouge et qu'ils n'ont qu'à filer doux. Et puis, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a? Mais capitaine, tu vois les balles? Ok! Ah, quoi, c'est trop fini, français, maintenant? Courage, les Français! Nous allons montrer aux amis du capitaine Knox le sort qu'on réserve aux ennemis de la main rouge! Allez-y, les gars! Allez-y. armée pendant qu'ils ne s'occupent pas de nous. Allez, regagnons l'arrière. Allons-y. Hé, les Français foutent le camp. Les laissez pas partir. Attrapez. Et ils sont partis par là. Laissez-les tranquilles. Il vaut mieux faire la fête, non? Dansez, boire, ça c'est la belle vie. Je veux bien danser pour vous, mais à une condition. Foutez la paix aux Français. D'accord? Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Danse. Vous laisserez les passagers tranquilles? Maintenant, on va pouvoir s'amuser. Allez, qu'on monte une barrique de rhum et puis que la fête commence. Pourquoi tu t'arrêtes là, Dorifa? Bah, allez, continue. Allez, encore. Laissez-moi me reposer un peu. Ça fait 2 heures que j'ai pas arrêté. Ah, j'ai soif, moi aussi. Et si je te donne à boire, tu m'embrasseras, poupée? Laisse-la tranquille. Hé, hey, dis, de quoi tu te mêles, Edouard Edmond? Allez, va-t'en, je veux plus te voir. Dorifa! C'est un traître. Un cloporte. En plus, tu es né bête. Allez, taille-toi. Mais fous le temps, je te dis. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit la dame. Allez, va te coucher. Mais dis-moi, qu'est-ce que... Ah, bravo. Toi, t'es un homme. Senora, si je vous le demandais, est-ce que vous me refuseriez un baiser à moi? Allez, viens. Je peux rien refuser à un mec comme toi. Tu m'as fait mal. Mais c'était bon. Encore. Et moi, Dorifa, tu ne m'embrasses pas? Allez, allez, Jilkin, allez, t'en as assez, allez, pense au quoi faire. Laisse-en un peu pour les autres. Le premier qui approche, je lui mets les tripes à l'air. Compris? Je vais me servir de ce bobby knife. Tu plaisantes, Jilkin, non? Allez, laisse-moi l'embrasser. On va se coucher. Quelle nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. Je n'aurais jamais cru que l'on puisse en arriver à un tel degré d'abjection. Regardez à travers les volets. Le pont est jonché d'ordures et d'ivrognes qui cuvent leur vin. On devrait profiter de leur état pour essayer de nous échapper. Absolument. Si nous pouvions arriver jusqu'à une des chaloupes sans nous faire remarquer. Écoutez, je vais essayer de sortir. Je verrai bien ce que l'on peut faire. Et puis, si je pouvais trouver un peu de nourriture... Mais c'est très dangereux, monsieur Agénor. Oui, mais c'est tout aussi dangereux de rester ici sans rien faire. De toute façon, il faut que nous quittions ce bateau, sinon ils nous massacreront. Bon, alors j'y vais. Oui. Ah, eh bien, Agénor. Oh, Ils ont bien failli m'avoir. Oh, ils ont posté des sentinelles près de la coursive. Il n'y a rien à faire. Oh, regardez! Ils sont tous debout maintenant. Mais ils se battent! Mais il y a tout un groupe autour du capitaine Slug. Et un autre autour du capitaine Knox. Oh, seulement ils pouvaient s'entretuer. Oh, déjà 5 qui sont tombés par-dessus bord. Encore un! 6! On dirait que Slug et Knox essaient d'apaiser leurs troupes. Et qu'est-ce qu'ils disent? On ne peut pas entendre. Ils sont trop loin. Ils ont l'air de haranguer leurs troupes. Ah ouais. Camarades! Écoutez-moi, camarades! Slug se moque de vous! Qu'est-ce qu'il en a à foutre, lui, que vous vous fassiez trouer la peau pour la main rouge? Hein? Il est largement payé! Vous êtes un des chefs! Et à côté de lui, vous n'existez pas! Vous n'êtes que de pauvres imbéciles si vous le suivez! Mais dites-moi! Vous avez envie de mourir pour rien? Non! Vous voulez crever de faim toute votre vie pour la main rouge? Non! Pas la main rouge! Ça vous dirait de gagner une fortune? Alors, suivez-moi, camarades! Restez avec moi! On connaît la mer! Et avec un bateau comme celui-ci, on pourra gagner plein de fric! Moi, je vous emmènerai dans les pêcheries de perles! Dans les magasins de copra et d'écailles! Nous dévaliserons les comptoirs allemands et anglais de Malacca à la Nouvelle-Zélande! Écoutez-moi, bande d'imbéciles! Vous savez comment vous finirez? Pendu, haut et court, à la verge de 3 heures. Le capitaine Knox s'imagine encore que les choses se passent comme dans le temps. Vive la mer rouge! Camarades, n'oubliez pas, et c'est moi, le capitaine Knox, qui vous le dit, que nous avons une fortune à bord. Quelle fortune! Ah bah, mais les Français, nom de Dieu! Que personne ne touche aux Français! Fred Jorgel donnera une fortune pour qu'on les lui rende! Alors voilà ce que je vous propose, camarades! Je connais une île déserte pas loin d'ici. Nous les déposerons là-bas, et ensuite nous exigerons une très forte rançon pour les libérer! On demandera des millions de dollars! Capturons les Français! Avec le nombre qu'on est, ce sera un jeu d'enfants! On va enfoncer les portes! Allez, que 30 d'entre vous prennent cette vergue et s'en servent comme d'un bélier! J'ai peur de toi, Jilkin. Regarde, je ne suis pas seul. Allez, venez, vous autres. Alors, tu vois, il faut aussi compter avec nous, Knox. J'ai dit que tu ne toucherais pas aux Français et tu n'y toucheras pas. Écoute, Jilkin, ne te fâche pas. Je ne veux aucun mal aux Français, moi. C'est Slug. Laisse-les tranquilles, je te dis. D'accord, je les laisse tranquilles. Mais dis-moi, Jilkin. Toi et ta bande. On n'est pas avec Slug, hein? Ni avec Slug, ni avec toi. Compris. Comme ça, c'est d'accord. Hé, hey, Slug! Pourquoi t'en vas-tu? Dis donc, t'as plus beaucoup de partisans, on dirait! Regardez! Ils sont plus qu'une quinzaine! Donne vous fasse le guet à la porte de la cabine. Oui, toi, Mathieu, vas-y. Il faut pas qu'on connaisse le projet. Voilà. Les amis, je sais que je peux compter sur vous. Tous autant que vous êtes, vous avez fait plusieurs séjours à l'île des Pendus. Et vous êtes tous des fidèles de la Marouge, n'est-ce pas? Bien. J'ai analysé la situation et j'en ai tiré la certitude qu'il nous était pas possible de nous emparer de la revanche. On est trop peu nombreux. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? On n'avait qu'un seul ordre, celui de supprimer les Français, n'est-ce pas? Oui. Eh ben, on va les supprimer. Et la revanche avec. Quoi? Tu veux faire sauter le bateau? Exactement. On quittera la revanche cette nuit même à bord du grand canot après avoir mis le feu au bateau. Il suffit de renverser quelques bidons de pétrole dans des endroits que j'ai déjà repérés. On allumera un premier feu vers l'arrière, près des cabines en bois. Ouais. Et on mettra une mèche vers l'avant pour faire sauter la soute aux poudres. Alors pendant qu'ils essaieront d'éteindre le feu de l'arrière, nous on aura le temps de partir. Hein? Et une fois que nous serons partis, tout explosera. Exactement. Alors tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Et ensuite? Ensuite, il y a de nombreuses îles dans la région et on sera à terre en moins de 2 jours. Hein? Bon, alors maintenant il s'agit de préparer tous les détails. Voilà, écoutez, il faudra emmener des vivres, du rhum, de l'eau, de tout ce qui sera nécessaire. Vous allez veiller tous les trois toute la nuit? C'est indispensable, Frédéric. Nous nous relairons, Ravenel, Agénor et moi. Allez, dormez bien, dormez bien. André, je sens que je ne vais pas fermer l'œil cette nuit encore. J'ai si peur qu'il arrive quelque chose à Roger. Mais non. Frédéric, si tu restais avec moi dans ma cabine cette nuit, nous aurions moins peur. Oh oui. Oui. C'est vous, Dorifa? Oui, mademoiselle, mais parlez moins fort. Je suis dans la cabine à côté de la vôtre. Vous voyez cette ouverture en haut de la cloison? Oui? Mais qu'y a-t-il? Faites ce que je vous dis. Allongez la main. Ah. Là, comme ça. Attention, je vous passe un paquet. Je vous préviens, c'est lourd. Mais qu'est-ce que c'est? Un jambon. Un jambon? Je sais que vous n'avez plus rien à manger. Attendez, c'est pas fini. Il y a une caisse de conserve. Ouf. Vous la tenez? Oui, c'est lourd. Je ne sais comment vous remercier. Prenez toujours. Vous me remercierez après. Tenez. Attention, ça c'est du pain et du chocolat. Ah, merci. Attendez, c'est pas fini. Les bouteilles maintenant. Hop. Oh, lâchez-moi. Salope, lâche-moi. Mais qu'est-ce qu'elle veut, Frédéric? Elle s'est fait surprendre, écoute. Salope. Ah, mais tu t'y prends, hein, salope. Tu fournis des vivres aux Français à présent? Saleté. Ordure. Oh, mon gros duel, elle m'a giflé. Je vais prévenir tout le monde. Dépêchez-vous, manœuvrez les palans. Qu'est-ce qu'il a crié, celui-là? Il va meuter tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il crie comme ça? Mais c'est Edouard Edmond, on dirait qu'il se bagarre avec Adorifa. Mais faites-le taire, bon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Faites de la lumière, nom de Dieu! Allez, garde-toi de là! Qu'est-ce que tu fous? Avec cette chaloupe, Slug, je t'interdis de toucher, toi, t'en! Allez, les gars, dépêchez-vous, mettez cette chaloupe à la mer! Le premier qui fait un geste, je le... Ah! Traite les ennemis de la main rouge. À qui le tour? Bon. Je vois que tout le monde a compris. Très bien. Allez, vous autres, laissez cette barque. Maintenant que ce vieux Forban a cassé sa pipe, j'espère que tout le monde va marcher droit. Oh nom de Dieu, le feu! J'avais oublié! J'ai du mal calculer la longueur de la mèche. Vite, dépêchez-vous! Allez, éteindre la mèche près de la soute aux poudres à l'avant! L'incendie de l'arrière n'a pas d'importance! comprendre, l'imbécile. La mèche est éteinte. Ouf. Dépêchez-vous, vous autres! Il faut éteindre cet incendie! Je veux bien les tuer, mais les laisser rôtir comme ça? Oh non! Ce sont des êtres humains! Allez! Monsieur Pagano, poussez-vous. Laissez-moi l'éteindre par terre. Il est gravement brûlé. Où est André? Sauvez-la! J'y vais! C'est moi, Dorifa, qui sauverai mademoiselle de Montbreuil. Passez-moi un gabon et un seau d'eau, allez, vite! Dorifa! Oui. Elle n'en reviendra pas. Elle va griller, elle aussi. La Dorifa grillée? Jamais! J'y vais. C'est pas la peine, Gilkin. Oh, regarde, la voilà. Allez, poussez, vous tous. Ouvrez-moi la porte de cette cabine, que je puisse allonger mademoiselle André. Oh, laissez passer la Dorifa, bande d'abrutis. Ça va mieux, mademoiselle? Mercedes, c'est vous. C'est vous qui m'avez sauvée. Oh, moi et les autres. C'est surtout Pierre Gilkin qui a tout fait. Ah oui. Oui, en effet, c'est lui qui m'a sorti des flammes. Et ça, sans lui, je sais pas ce qui se serait passé. Oh, Antoine. Oh, mes amis. Eh bien, nous l'avons échappé belle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Encore une bagarre. Slug a tué le capitaine Knox. C'est lui maintenant qui dirige. Seul. Mais alors? Tout est changé. Il faut absolument que nous parlions à Slug. Je viens avec vous. On ne passe pas. Mais nous voulons voir le capitaine Slug. On ne passe pas, je vous dis. Ce sont les ordres. Oui, mais... N'insistez pas, sinon je tire. Nous allons voir si je peux pas passer, moi. Toi, la Dorifa, tu peux passer, mes ordres ne te concernent pas. Attendez-moi ici, je reviens. Elle en met du temps. Eh oui. Ah non, non, non, regardez, la voici. Elle est accompagnée de Pierre Gilkin et de ses hommes. Slug suit derrière. Oh, il n'a pas l'air content. Hein. Voilà, tout est arrangé. Ah. Le capitaine Slug a compris que s'il voulait faire le méchant, les amis de Pierre Gilkin ne le laisseraient pas longtemps tranquille. Bon, il a été convenu qu'il nous débarquerait dans le premier port. Après, lui et ses hommes iront au diable s'ils le veulent avec la revanche. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Eh bien, nous ne demanderons rien de plus, pourvu que nous soyons en sécurité. Eh bien, de cette façon, tout le monde sera content. C'est vrai, Slug, que tu veux libérer les Français? Pour qui tu me prends, Mathieu? Allez, mets le cap au nord. Destination, l'île des pendus. On y sera dans deux ou trois jours et on remettra au Lord les Français, leurs petites amies. Ils en font ce qu'ils voudront. Moi, je m'en lave les mains. Je crois que dans des circonstances aussi difficiles, j'ai finalement pas si mal mené ma barque. Ma Dieu. Le piège de la main rouge s'est refermé sur nos amis. Vont-ils partager le sort du professeur Bondana? Le retrouveront-ils dans l'île des pendus? Eh bien, vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, graves événements à l'île des pendus. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Loria, d'après le roman de Gustave Le Rouge, 22e épisode, Cœur de Gitane, avec Maya Simon, Marc de Géorgie, Catherine Rouvel, Pierre Constant, Gilles Guillot, Pierre Pernet, Jacques Bretonnière, Maurice Gauthier, Benoît Allemann, Albert Medina, Catherine Laborde. Musique du générique Jean Viennère, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon. Collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 26 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.